L'amour. L'amour est une émotion que la femme sait rendre, parce qu'elle est dédiée par nature au don de soi. Il est pour elle beaucoup plus que simple passion. Il représente aussi le don d'elle-même à travers une panoplie d'actes que l'on ne reconnaît à leur juste valeur que dans la mesure où l'on respecte son esprit. L'amour la trahit facilement, car elle s'identifie inconditionnellement à lui au lieu d'entraîner son être à le reconnaître selon une mesure dont elle détient la clé. Tant que l'amour lui créera l'illusion d'une sécurité sans revers, il sera passible de lui infliger de la douleur, car il signalisera qu'elle idéalise son rapport intime avec l'homme. Tant et aussi longtemps qu'elle dépendra aveuglément de l'amour comme levier inconditionnel dans la vie, il lui sera difficile d'identifier la nature fondamentale et karmique de son illusion. Les sentiments de la femme sont trop sincères et profonds pour être mis en gage sur la roulette d'une vie conjugale contrôlée par un croupier inconscient et souvent brutal. Elle doit à tout prix conquérir son indépendance psychologique afin de réévaluer son infatuation avec un sentiment qui ne lui conviendra parfaitement que lorsqu'elle aura empire sur ce qui la domine. Elle ne pourra plus alors être persuadée impunément de la sincérité de son partenaire. Ce jour poindra lorsqu'elle comprendra que ce dernier la poursuit avec des intentions qui découlent largement de ses besoins avant tout, alors qu'elle se laisse conquérir par amour pour lui. Mais son amour est trop souvent sans maturité. Son empressement à aimer et à se laisser étreindre dans ce sentiment sont des conditions insuffisantes à long terme tant que la conscience féminine n'est pas protégée par une psychologie qui la favorise en temps de crise. Pendant l'involution, c'est-à-dire cette période millénaire durant laquelle elle fut dominée par l'homme et ses institutions matérielles et spirituelles, l'amour fut à la fois son soutien ainsi que son châtiment, car il n'avait été sanctionné par une intelligence de la liberté et des droits qui en découlent. Durant la longue histoire de domination de l'homme sur elle, l'amour fit d'elle une victime plus souvent qu'une bénéficiaire. Il fut le miroir de son impuissance psychologique dans une société où le droit du mâle sur elle ne pouvait être rompu que par elle. C'est à travers l'amour que la femme se rend compte de la facture que la vie lui réclame lorsqu'elle ne s'est pas rendue à l'évidence que la manière de le vivre intelligemment dépend de sa capacité à s'en affranchir sans trop de traumatisme lorsqu'il est déchu. La travestie de l'amour se résume à lui faire croire qu'il est unique, sans réplique et incassable. Cette illusion est en voie de transformation dans les pays plus évolués où la femme dispose de plus grands moyens pour se libérer de conditions de vie qui font fi de sa réalité personnelle au profit d'une réalité sociale ou religieuse qui ne conviennent plus à l'émancipation de son être. Il faut voir que les religions ont disposé trop longtemps de la manière dont la femme devait véhiculer ses sentiments dans des sociétés plus ou moins modelées selon des critères émanant de sphères cléricales découplées dans la réalité féminine. Les religions ont fait de la femme une esclave de l'homme en lui reprochant une trop grande beauté. Le peu d'esprit que l'homme put lui apporter en échange fit en sorte qu'elle fut grandement défavorisée. Heureusement qu'elle seule peut enfanter, ce qui lui permit de s'assurer une certaine légitimité dans des sociétés livrées à toutes les ivresses masculines, sans parler des pourfendeurs qui, à toutes les époques, ont, et pour toutes les raisons valables ou imaginées, voulu la restreindre. Dans certains pays du tiers-monde, la femme ne dispose pas encore suffisamment de moyens pour se libérer, car la religion et les mœurs qu'elle a engendrées exercent un pouvoir discrétionnaire sur les populations féminines dénuées de droits réels. Dans ces pays, les populations mâles agissent comme des confréries hors limite, et la femme qui, la première, les ferait éclater si elle exerçait en toute liberté ses options individuelles. Certaines religions empoisonnent l'esprit du mâle et sanctionnent l'absurdité. Le modernisme ne peut être endigué puisqu'il contient tous les éléments de base nécessaires à la liberté individuelle. Voilà le seul espoir pour l'élimination des dictatures religio-politiques qui renferment la femme dans une prison dorée, lui laissant croire que tout ce qui est à l'extérieur est sale et sombre. Cet endoctrinement malveillant ne résistera pas aux générations futures qui feront la part des choses à la suite des profondes altérations de la conscience mondiale apportées par des technologies nouvelles et irrécusables. La technologie de l'information et de la diffusion de l'image est un engin puissant que même la plus ancienne des églises ne peut refouler. Si l'amour souvent commandé et enrégimentée marqua pour la femme ancienne l'épisode inachevé de son expérience évolutionnaire, l'avenir le transformera dans un médium d'expression libre de l'abus de sa personne. Moins stigmatisée par ses démarches récalcitrantes et l'insoumission, elle le vivra un peu plus comme l'homme le vit, c'est-à-dire selon son bon plaisir. Mais pour découvrir qu'elle possède elle aussi tous les attributs et fortunes de la liberté, il lui faudra s'avouer qu'elle peut se passer d'un amour vicié dans la mesure où elle reconnaîtra que sa personne est davantage plus importante que les prescriptions proposées par des mœurs et des religions qui retardent l'évolution de l'être au profit du pouvoir des communautés et de leurs confréries. La femme devra définir son amour au lieu d'être définie par lui. Ceci lui permettra de choisir au lieu de subir et par la suite prendre conscience d'elle-même. Dans le cas contraire, il demeurera un ramassis de sentiments d'où ne jaillira aucune lumière. Elle doit réévaluer sa conception de l'amour à la lueur d'une intelligence libérée des empreintes du passé. Sinon, elle ne pourra refaire sa vie et lui donner un but optimal qui lui revient de droit. La femme doit mettre un terme à l'expérience de l'amour comme étant la somme totale et finale de son expérience. Sa vie doit être mesurée, et tant que la mesure ne lui convient pas, il est de son ressort et de son pouvoir d'en corriger les lacunes. Dans le cas contraire, elle prolongera la souffrance et l'incompréhension et s'éteindra sans avoir su réagir aux us et coutumes.